Le Corbusier à New York. Quand Le Corbusier arriva à New York, la ville dont la silhouette se montrait à l'horizon lui parut parfaite comme la Jérusalem céleste. Il pensa aux plans et aux photographies aériennes qu'il avait étudiées et il s'écria « C'est la ville la mieux organisée du monde !» D'abord, il fut impressionné par les tours de 300 mètres de hauteur. Mais ensuite, il changea son opinion. Il répondit au reporter qui lui demandait ce qu'il pensait de la ville, que les bâtiments de New York étaient trop petits. Et il justifia ce jugement en indiquant que les gratte-ciels étaient entourés par les bidonvilles misérables, de sorte que la hauteur moyenne des bâtiments ne mesurait que 4,5 étages. Faites disparaître les bidonvilles, construisez plus haut, ajoutez des autoroutes pour la circulation, des parcs et des terrains de sport, pour que 6 millions de personnes puissent vivre, travailler et se reposer ici. Aujourd'hui, nous devons constater que toutes les grandes villes du monde souffrent des mêmes maladies. L'urbanisme du XXe siècle a créé de nouveaux problèmes à la place de ceux qu'il a résolus, et il paraît que la réalisation de la Jérusalem céleste est plus utopique que jamais.